Chapitre 12e, Urbi et Orbi. Les difficultés astronomiques, mécaniques, topographiques, une fois résolues, vint la question d'argent. Il s'agissait de se procurer une somme énorme pour l'exécution du projet. Nul particulier, nul état même, n'aurait pu disposer des millions nécessaires. Le président Barbicane prit donc le parti, bien que l'entreprise fût américaine, d'en faire une affaire d'un intérêt universel et de demander à chaque peuple sa coopération financière. C'était à la fois le droit et le devoir de toute la Terre d'intervenir dans les affaires de son satellite. La souscription ouverte dans ce but s'étendit de Baltimore au monde entier, Urbi et Orbi. Cette souscription devait réussir au-delà de toute espérance. Il s'agissait cependant de sommes à donner, non à prêter. L'opération était purement désintéressée, dans le sens littéral du mot, et n'offrait aucune chance de bénéfice. Mais l'effet de la communication Barbicane ne s'était pas arrêté aux frontières des États-Unis. Il avait franchi l'Atlantique et le Pacifique, envahissant à la fois l'Asie et l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Les observatoires de l'Union se mirent en rapport immédiat avec les observatoires des pays étrangers. Les uns, ceux de Paris, de Pétersbourg, du Cap, de Berlin, d'Altona, de Stockholm, de Varsovie, de Hambourg, de Bude, de Bologne, de Malte, de Lisbonne, de Bénarès, de Madras, de Pékin, firent parvenir leurs compliments au Gun Club. Les autres gardèrent une prudente expectative. Quant à l'observatoire de Greenwich, approuvé par les 22 autres établissements astronomiques de la Grande-Bretagne, il fut net. Il nia hardiment la possibilité du succès et se rongea aux théories du capitaine Nicholl. Aussi, tandis que diverses sociétés savantes promettaient d'envoyer des délégués à Tampa Town, le bureau de Greenwich, réuni en séance, passa brutalement l'ordre du jour sous la proposition Barbicane. C'était là de la belle et bonne jalousie anglaise, pas autre chose. En somme, l'effet fut excellent dans le monde scientifique, et de là, il passa parmi les masses qui, en général, se passionnèrent pour la question. Fait d'une haute importance, puisque ces masses allaient être appelées à souscrire un capital considérable. Le président Barbicane, le 8 octobre, avait lancé un manifeste empreint d'enthousiasme et dans lequel il faisait appel à tous les hommes de bonne volonté sur la Terre. Ce document, traduit en toute langue, réussit beaucoup. Les souscriptions furent ouvertes dans les principales villes de l'Union pour se centraliser à la Banque de Baltimore, 9 Baltimore Street. Puis, on souscrivit dans les différents États des deux continents. À Vienne, chez Sa Majesté de Rothschild, à Pétersbourg, chez Stiglitz et compagnie, à Paris, au Crédit Immobilier, à Stockholm, chez Totti & Arthur Hudson, à Londres, chez Rothschild et Fils, à Turin, chez Ardoin et compagnie, à Berlin, chez Mendelssohn, à Genève, chez Lombard, Olivier et compagnie, à Constantinople, à la Banque Ottomane, à Bruxelles, chez S. Lambert, à Madrid, chez Daniel Weissweiler, à Amsterdam, au Crédit Néerlandais, à Rome, chez Torlonia et compagnie, à Lisbonne, chez Le Sen, à Copenhague, à la banque privée, à Buenos Aires, à la banque Maoa, à Rio de Janeiro, même maison, à Montevideo, même maison, à Valparaiso, chez Thomas Lachambre et compagnie, à Mexico, chez Martin Daran et compagnie, à Lima, chez Thomas Lachambre et compagnie. 3 jours après le manifeste du président Barbicane, 4 millions de dollars étaient versés dans les différentes villes de l'Union. Avec un pari à compte, le Gun Club pouvait déjà marcher. Mais quelques jours plus tard, les dépêches apprenaient à l'Amérique que les souscriptions étrangères se couvraient avec un véritable empressement. Certains pays se distinguaient par leur générosité, d'autres se desserraient moins facilement, affaire de tempérament. Du reste, les chiffres sont plus éloquents que les paroles, et voici l'état officiel des sommes qui furent portées à l'actif du Gun Club après souscription close. La Russie versa pour son contingent l'énorme somme de 368 733 roubles. Pour s'en étonner, il faudrait méconnaître le goût scientifique des Russes et le progrès qu'ils impriment aux études astronomiques grâce à leurs nombreux observatoires, dont le principal a coûté 2 millions de roubles. La France commença par rire de la prétention des Américains. La Lune servit de prétexte à 1000 calembours usés et une vingtaine de vaudevilles dans lesquels le mauvais goût le disputait à l'ignorance. Mais de même que les Français payèrent jadis après avoir chanté, ils payèrent cette fois Après avoir ri, ils souscrivirent pour une somme de 1 253 930 francs. À ce prix-là, ils avaient bien le droit de s'égayer un peu. L'Autriche se montra suffisamment généreuse au milieu de ses tracas financiers. Sa part s'éleva dans la contribution publique à la somme de 216 000 florins, qui furent les bienvenus. 52 000 rixdal, telle fut la pointe de la Suède et de la Norvège. Le chiffre était considérable relativement au pays, mais il eût été certainement plus élevé si la souscription avait lieu à Christiania en même temps qu'à Stockholm. Pour une raison ou pour une autre, les Norvégiens n'aiment pas envoyer leur argent en Suède. La Prusse, par un envoi de 250 000 thalers, témoigna de sa haute approbation pour l'entreprise. Ces différents observatoires contribuèrent avec empressement pour une somme importante et furent les plus ardents à encourager le président Barbicane. La Turquie se conduisit généreusement, mais elle était personnellement intéressée dans l'affaire. La lune, en effet, règle le cours de ses années et son jeûne du ramadan. Elle ne pouvait faire moins que de donner 1 372 640 piastres, et elle les donna avec une ardeur qui dénonçait cependant une certaine pression du gouvernement de la Porte. La Belgique se distingua entre tous les États de second ordre par un don de 513 000 francs, environ 12 centimes par habitant. La Hollande et ses colonies s'intéressèrent dans l'opération pour 110 000 florins, demandant seulement qu'il leur fût fait une bonification de 5% d'escompte puisqu'elles payaient comptant. Le Danemark, un peu restreint dans son territoire, donna cependant 9 000 ducats fins, ce qui prouve l'amour des Danois pour les expéditions scientifiques. La Confédération germanique s'engagea pour 34 285 florins. On ne pouvait rien lui demander de plus. D'ailleurs, elle n'eut pas donné davantage. Quoique très gênée, l'Italie trouva 200 000 lire dans les poches de ses enfants, mais en les retournant bien. Si elle avait eu la Vénétie, elle aurait fait mieux. Mais enfin, elle n'avait pas la Vénétie. Les États de l'Église ne crurent pas devoir envoyer moins de 7 040 écus romains, et le Portugal poussa son dévouement à la science jusqu'à 30 000 crusades. Quant au Mexique, ce fut le denier de la veuve, 86 piastres fortes, mais les empires qui se fondent sont toujours un peu gênés. 257 francs, tel fut l'apport modeste de la Suisse dans l'œuvre américaine. Il faut le dire franchement, la Suisse ne voyait point le côté pratique de l'opération. Il ne lui semblait pas que l'action d'envoyer un boulet dans la Lune fût de nature à établir des relations d'affaires avec l'astre des nuits, et il lui paraissait peu prudent d'engager ses capitaux dans une entreprise aussi aléatoire. Après tout, la Suisse avait peut-être raison. Quant à l'Espagne, il lui fut impossible de réunir plus de 110 réaux. Elle donna pour prétexte qu'elle avait ses chemins de fer à terminer. La vérité est que la science n'est pas très bien vue dans ce pays-là. Il est encore un peu arriéré. Et puis certains Espagnols, non des moins instruits, ne se rendaient pas un compte exact de la masse du projectile comparé à celle de la Lune. Ils craignaient qu'il ne vînt à déranger son orbite, à la troubler dans son rôle de satellite et à provoquer sa chute à la surface du globe terrestre. Dans ce cas-là, il valait mieux s'abstenir. Ce qu'ils firent à quelques réaux près. Restait l'Angleterre. On connaît la méprisante antipathie avec laquelle elle accueillit la proposition Barbicane. Les Anglais n'ont qu'une seule et même âme pour les 25 millions d'habitants que renferme la Grande-Bretagne. Ils donnèrent à entendre que l'entreprise du Gun Club était contraire au principe de non-intervention et ils ne souscrivirent même pas pour un farthing. À cette nouvelle, le Gun Club se contenta de hausser les épaules et revint à sa grande affaire. Quand l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou, le Chili, le Brésil, les provinces de la Plata, la Colombie, eurent pour leur quote-part versé entre ses mains la somme de 300 000 dollars, il se trouva à la tête d'un capital considérable dont voici le décompte. Souscription des États-Unis, 4 millions de dollars. Souscription étrangère, 1 446 675 dollars. C'était donc 5 446 675 dollars que le public versait dans la caisse du Gun Club. Que personne ne soit surpris de l'importance de la somme. Les travaux de la fonte, du forage, de la maçonnerie, le transport des ouvriers, leur installation dans un pays presque inhabité, les constructions de fours et de bâtiments, l'outillage des usines, la poudre, le projectile, les faux frais, devaient, suivant les devis, l'absorber à peu près tout entière. Certains coups de canon de la guerre fédérale sont revenus à 1 000 dollars. Ceux du président Barbicane, uniques dans les fastes de l'artillerie, pouvaient bien coûter 5000 fois plus. Le 20 octobre, un traité fut conclu avec l'usine de Gold Spring, près New York, qui, pendant la guerre, avait fourni à Parrot ses meilleurs canons de fonte. Il fut stipulé, entre les parties contractantes, que l'usine de Gold Spring s'engageait à transporter à Tampa Town, dans la Floride méridionale, le matériel nécessaire pour la fonte de la Columbiad. Cette opération devait être terminée au plus tard le 15 octobre prochain, et le canon livré en bon état, sous peine d'une indemnité de $100 par jour, jusqu'au moment où la Lune se présenterait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans 18 ans et 11 jours. L'engagement des ouvriers, leur paye, les aménagements nécessaires incombaient à la compagnie du Gold Spring. Ce traité, fait double de bonne foi, fut signé par I. Barbicane, président du Gun Club, et J. Murchison, directeur de l'usine de Gold Spring, qui approuvèrent l'écriture de part et d'autre.